Merci pour votre fidélité au programme de la radio Isanganiro. Voici le journal en langue française qui vous sera présenté par Edi Nibel Nibigira et Eric Wiman assuré la mise en onde. Voici tout d'abord le titre. Arrestation ce mercredi de deux personnes présumées auteurs de l'agression de notre confrère du groupe de presse Iwachu, Désiré Cindy Hewura. Le communiqué sorti par Iwachu, selon ce communiqué, son employé a porté plainte après qu'il ait été tabassé à Guiheta de la province Gitega. C'est enfin confirmé, le sommet des chefs d'État et des gouvernements de l'Afrique orientale et australe réunis au sein du COMESA qui avait été reporté se tiendra du 1er au 10 juin l'année en cours. Vous entendrez le directeur général du commerce au sein du ministère du Commerce et du Tourisme. Et le chargé de la communication, Sandu Burundi Event, organisatrice de la compétition Miss Burundi, indique que son institution n'est pas responsable de la non-restitution de tous les prix pour l'édition 2017. Vous les entendrez dans ce journal qui vous sera présenté par Elini Benivigra et Rikouimana sur la mise en onde. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Débutons son journal par la page santé. Après que le paludisme qui menaçait la population à Karusi ait été déclaré épidémique par le ministère de la Santé l'année dernière, les responsables sanitaires en province se réjouissent des effectifs de malades qui sont aujourd'hui en baisse. Ils affirment que ceux qui souffrent de cette maladie s'estiment entre 4 et 6 000 alors qu'ils étaient avant 20 000, le médecin provincial à Karusi explique que cette baisse résulte des séances de sensibilisation et des moustiquaires qui ont été distribués de Karusi. Blaise Pascal Kararoumi. Depuis janvier de cette année, l'effectif des malades de la malaria est compris entre 4 000 et 6 000 patients par semaine dans la province sanitaire de Karusi. Les statistiques du bureau provincial montrent qu'au mois de janvier, plusieurs cas ont été remarqués entre 5 000 et 6 000 malades par semaine et qu'avec le mois de février, les effectifs ont diminué jusqu'à 4 050 malades en effectif actuel à la 8e semaine de cette année 2018. Les responsables de la santé expliquent qu'au mois de janvier, les cas ont été nombreux suite à la culture du riz qui favorise la multiplication des moustiques. Docteur Leondas Nzisavira, médecin provincial, indique qu'à cette même période de l'année passée, on a enregistré 24 000 patients de malaria par semaine en effectif qui dit les avoir effrayés. Et c'est pendant cette période même du mois de mars que le ministère de tutelle a pu déclarer que la malaria était devenue épidémie. Docteur indique qu'ils ont beaucoup travaillé en collaboration avec tous les partenaires pour arriver à faire face à cette épidémie. Après la distribution des moustiquaires à toute la population au mois de juillet et le déparasitage qui a eu lieu au mois de novembre, il fait savoir que les activités de campagne de sensibilisation de la population pour lutter contre cette maladie de la malaria continue. Il indique qu'au cours de cette semaine, les agents du Programme national de lutte contre la malaria et les agents de l'association Aluma, Action pour lutter contre la malaria, sont déjà dans toutes les communes de la province Karusi pour cette même activité de sensibilisation et sur le financement du gouvernement de la Grèce. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. Une aide de 6 millions et 45 pagnes ont été octroyées par l'Assemblée nationale à 28 personnes vulnérables qui ont été soignées mais qui n'ont pas pu trouver des frais d'hospitalisation dans les hôpitaux. Prince Jean-Charles Roy Khaled, le président de l'Assemblée nationale Pascal Nyabenda, fait savoir qu'ils ont voulu commencer à libérer les personnes et appelle à toute âme charitable à venir en aide pour les malades incapables de payer ses frais d'hospitalisation. Dans certains endroits, en mairie de Bujumbura, sont stockés du matériel hors usage, des véhicules, du matériel, des hôpitaux et autres. Seulement, la finalité de ce matériel n'est pas connue. Notre consoeur Mireille Kanyangé a fait le tour de ces endroits. Voici son reportage. Dans l'avant-midi de ce vendredi, nous avons pu passer à l'hôpital Prince Régent Charles, situé en zone urbaine de Buyenzi, à 20 mètres du boulevard du peuple Murundi. Arrivé dans cet hôpital près du bloc de chirurgie, salle numéro 13, près d'un tank d'eau, l'on aperçoit du matériel rouillé, des lits hors usage, des tôles, des chaises et autres. Non loin devant cet hôpital se trouve un espace de la police de roulage PCR où sont garés des véhicules de différentes sortes. sorte. Pour certains, l'on ne voit que des herbes. Pour d'autres, l'on parvient à voir de près des carcasses des véhicules hors usage. Passons sur l'autre côté du même espace, l'on voit des bus, des coasters, des bennes, certaines remplies de matériel de construction et d'autres marques de véhicules, certains apparemment en bon état, saisis par la police de roulage. L'autre escale, c'est également à la direction des routes située au quartier Kabondo, en bas de la banque de gestion et de financement BGF. Une fois à l'intérieur, du côté droit, l'on remarque des tracteurs hors usage et des bennes. Le constat est que sur les trois endroits visités, ce matériel hors usage vient d'y passer des années. L'on se demanderait donc quelle est la finalité de ce matériel. Et pour les véhicules saisis par la police de roulage, sont-ils remis à leurs propriétaires après combien de temps? Et ceux qui sont couverts d'herbe, quel est leur sort? Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Page diplomatie à présent, à 13h03, le sommet des pays de la communauté orientale et australe COMESA reporté au mois d'avril va se tenir au Burundi du 1er au 10 juin 2018. Confirmation du ministère du Commerce, du directeur général du commerce, Sébastien Nzimana, le directeur général du commerce, qui a représenté le Burundi dans une réunion préparatoire qui s'est tenue lundi à Madagascar, affirme que le Burundi se prépare très bien. Il commence à nous dire les participants de cette réunion de ce lundi. Les participants, c'était les trois pays qui composent le bureau, qui est le Burundi, Madagascar, ainsi que l'Éthiopie. C'est une réunion qui s'est tenue le 26 du mois passé. C'était pour fixer, discuter les nouvelles dates du sommet. Les dates qu'on avait fixées au mois d'avril, c'est coïncidé avec le sommet du Commonwealth. C'est pourquoi on a jugé bon de repousser les dates et de les mettre au mois de juin, du 1er juin au 10 juin 2018. Est-ce qu'on pourrait affirmer qu'il n'y avait pas d'autres raisons qui ont poussé à ce que ce sommet soit reporté? Pas du tout. C'était seulement la coïncidence, alors que le sommet du Commonwealth était programmé avant nous. Alors pour maximiser les chances, on a voulu quand même repousser s'ils demandent des États membres pour la date du 1er au 10 juin 2018. Nous sommes à peu près à 3 mois de la tenue de ce sommet. Est-ce que le Burundi est pour le moment prêt à accueillir ce sommet ou bien il y a d'autres choses qu'il faut encore faire? Les préparatifs marchent très bien. On a eu le temps suffisant pour la préparation. Je pense jusqu'à maintenant, tout est bon pour la préparation de ce sommet. Sébastien Nzimana, il est directeur général du commerce et s'entretenait avec Placide Niyomwungere. La réintégration des enfants de la rue ne peut être réussie si on fait en solo. Wenceslas Nyabinda, le directeur technique de l'association Giriyuja au Centre Football for Hope de Kabondo à Bujumbura, appelle à la synergie des associations œuvrant dans le domaine de l'enfance. Le gouvernement devrait aussi mettre en application le plan de réintégration de ses enfants en famille. Wenceslas Nyabinda le dit en tant que quelqu'un qui a connu la vie de rue pendant un bon bout de temps, mais il a changé. Léonce Vitalio. Wenceslas Nyabinda affirmait que les raisons qui poussent des enfants à quitter la maison pour emprunter la vie de la rue sont multiples. Pour lui, la cause majeure, c'est la pauvreté dans les familles. Les familles sont pauvres et n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants. La deuxième cause, je parlerai aussi de tout ce qui est en rapport avec la polygamie. On voit des familles qui mettent au monde 9 enfants, 6, 4 femmes. Les enfants n'ont pas cet encadrement, les enfants n'ont pas cette affection familiale. Ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils se retrouvent dans la rue. Et autre chose que je peux parler, c'est la question de dégradation des valeurs traditionnelles de solidarité. Il y a l'adage Kirundi qui dit « Umwanasu ». Maintenant, ce n'est plus le cas. Le désormais directeur technique au sein de l'association Giriyuja déplore qu'il y ait aujourd'hui des personnes qui s'approprient les biens des enfants qui leur ont été laissés par les parents. Cela alourdit les chiffres des enfants de la rue. Tout ce qu'ils demandent, c'est de travailler en synergie. Un appel lancé aux associations, mais aussi au gouvernement, pour une bonne réintégration sociale de ces enfants. Aucune association ne peut pas se suffire. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir la coordination, il doit y avoir des actions en synergie. Pour le gouvernement, il y a ce qu'on appelle la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le phénomène des enfants en situation de rue, qui a été même adoptée par le Conseil des ministres. C'est que le gouvernement doit fournir des efforts pour la mise en œuvre de cette stratégie. Autre chose, il y a des structures étatiques pratiques, notamment les CDFC, les comités de protection des droits de l'enfant au niveau collinaire, au niveau provincial et au niveau communal, ils sont mis en place. Donc là aussi, ils doivent mener des activités de suivi post-réintégration. Wenceslas Nyabenda a affirmé que la stratégie du gouvernement qui a été adoptée en Conseil des ministres visant la réintégration des enfants dans la rue serait bien productive une fois mise en application. Wenceslas Nyabenda a été un des enfants de la rue, mais actuellement, il s'active à aider ceux qui y sont encore à quitter cette vie. Merci Léonce Vitali Ho, le chargé de la communication au sein de Burundi Event, l'organisatrice de la compétition Miss Burundi, indique que la non-restitution de tous les prix pour l'édition 2017 n'est pas la faute de cette organisation. Andrenda Hakizimana explique que cela est dû aux sponsors qui n'ont pas honoré leurs promesses qu'ils avaient faites à cette organisation et dit qu'ils sont en train de demander les tickets d'avion qui étaient promis par Afra Airways. Suivez André Hakizimana, il est chargé de la communication au sein de Burundi Events. Lors du lancement officiel de l'élection Miss Burundi 2017, l'équipe de Burundi Event avait annoncé officiellement que le grand prix, c'était une voiture de marque à Lyon. Ce genre de concours nécessite plusieurs sponsors pour organiser et réussir un tel événement. Nous, au niveau de Burundi Event, on avait annoncé l'octroi de la voiture à Lyon sur base d'une promesse qu'on avait d'une entreprise. Au cours du concours, il s'est avéré que cette entreprise nous a dit, nous, on ne peut pas s'engager avec le grand prix qu'on vous avait promis. On était obligé de trouver une solution, on a fait tout notre possible et on a pu avoir une voiture de marque Vite, nouveau modèle, d'une valeur de 9,5 millions. Il y avait des tickets d'avion d'Afra Airways qui étaient prévus. Et qu'est-ce que vous en dites? Je reconnais, jusqu'à présent, cette promesse n'est pas encore réalisée. Ce n'est pas de notre faute. Mais ce que nous savons, c'est qu'ils nous avaient promis, au moment où leur avion posera les pneus sur le tarmac de l'aéroport international de Bujumbura, c'est là où la Miss et ses dauphines devront bénéficier de ces tickets. Selon les informations que l'on a, la compagnie Afra Airways n'a pas encore d'avion ici à Bujumbura. On attend toujours, nous on va demander à Afra Airways pour qu'elle puisse régulariser ce qu'il avait promis. André Hakizimana a dit cela après qu'il ait été observé quelques irrégularités dans l'octroi des prix des gagnantes de la compétition Miss Burundi édition 2017. Tout de suite, ce sera la page internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Le président turc poursuit sa tournée en Afrique après l'Algérie et la Mauritanie. Recep Tayyip Erdogan a poursuivi sa tournée au Sénégal, pays qu'il a quitté ce vendredi matin pour sa dernière étape au Mali. À Dakar, le président turc s'est longuement entretenu avec son homologue Macky Sall, écrit RFI sur son site web. Les deux États ont également signé, sans donner de détails, les contrats de partenariat dans les secteurs des hydrocarbures, des mines et du ferroviaire. Recep Erdogan est également revenu sur la fermeture l'an dernier des écoles Yavuz Selim du prédicateur Fethullah Gulen. Et enfin, en Espagne, le président catalan destitué, l'indépendantiste Carles Puigdemont, a annoncé jeudi qu'il renonçait à de nouveau briguer la présidence de la Catalogne. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux depuis la victoire des indépendantistes aux élections régionales du 20 décembre, il était le seul candidat à la présidence de l'exécutif régional, tout en sachant qu'il serait arrêté vraisemblablement écroué s'il rentrait de Belgique en Espagne. Carles a proposé pour le remplacer la candidature du président d'une association indépendantiste, Jordi Sanchez, bien qu'il soit emprisonné depuis 4 mois. Et bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à Riku Imana pour sa parfaite collaboration technique. Et Lini Benibigira qui vous l'a présenté. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.